Chapitre 16e. Dans les premiers jours de juin, Josette, installée à Scaer avec Madame Moret et M. Jost, reçut de son mari une lettre annonçant qu'il arrivait, amenant des amis. C'étaient Lagardy, l'oncle Jean et Détiol. Le comte ajoutait qu'il espérait aussi décider à venir les Ledru et Dammartin, encore hésitants, mais cependant ébranlés. La chaleur était affreuse, il était impossible de rester à Paris plus longtemps, et il n'y avait encore personne à Deauville. Il se rabattait sur Scaer pour respirer. Lorsque le facteur apporta cette lettre, on venait de déjeuner et on prenait le café sur la grande terrasse de marbre, abritée de stores, qui termine l'aile gauche du château à 100 mètres environ de la mer. Il y avait eu à déjeuner Madame de la Fère et son fils, et Maître de Lalonde et André, installés aussi à Vannes depuis quelques jours. Josette lut tout haut le passage concernant les arrivants. En entendant le nom des Ledru, la physionomie d'André s'éclaira, tandis que Madame Morel laissait échapper une exclamation involontaire. « Ah ! » dit-elle tristement. « J'espérais qu'à Scaer nous serions l'abri des visites de ce genre. « Est-ce cette Mademoiselle Ledru de laquelle tu m'as tant parlé, André ?» demanda le vieil avoué en regardant attentivement son fils. « Oui, père, » répondit André avec un peu d'embarras. C'est que, malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de parler à son père de la jeune fille. Il avait au fond l'espoir qu'un événement quelconque le mettrait un jour à même de l'épouser. Depuis quelque temps, il rêvait de spéculations, d'affaires de bourse. Il voulait décupler sa fortune et demander ensuite la main de Geneviève. En entendant l'exclamation de Madame Moret, le père de Lalonde fut très surpris. Pourquoi donc sa vieille amie sembla-t-elle mécontente de recevoir des gens dont André lui faisait sans cesse l'éloge? Il demanda. « Cette visite ne paraît pas vous plaire, chère madame. »« Certes, non, » répondit Madame Moret. « Je ne conçois pas que Paul amène à Scaer de tels gens. Quand je dis de tels gens, j'ai tort, car ce n'est que du père que je veux parler. »« Pourquoi donc cette sévérité pour le père ?»« Parce que c'est un notaire chassé de son étude. » Un brasseur d'affaires dans la plus mauvaise acception du mot, un cafard, capable de toutes les malpropretés, et que je trouve inutile de recevoir des gens tarés. « Tu ne m'avais pas dit tout cela, André ?» dit le vieil avoué. « Mais en vérité, père, j'entends pour la première fois juger ainsi, monsieur Ledru. » « C'est qu'alors vous n'avez jamais entendu parler de lui à personne, » dit madame de la Fère. Moi qui ne passe à Paris que 2 ou 3 mois par an, « je suis au courant de ce qui se raconte sur le président de l'Alliance universelle. » André sait à quel point son père est sévère pour les tripotages d'affaires et les fortunes inexpliquées. Ne voulant pas qu'il crût ce qu'on disait de M. Ledru et qu'il prît mauvaise opinion de lui, il répondit vivement « Je crois, madame, que la malveillance s'attaque à tort à M. Ledru. Sa haute situation financière lui attire l'envie de ceux qui réussissent moins bien que lui et la haine de ceux qui échouent tout à fait. » Il est si facile de calomnier un homme dans les affaires. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait tout ça ? Dit Maître de Lalonde, examinant André d'un air soupçonneux. Aucun de nous n'a l'idée de s'associer à l'illustre financier, je présume. Josette, silencieuse et préoccupée, ne disait rien. Appuyée contre la balustrade de marbre, elle relisait machinalement la lettre de son mari. Ainsi, M. Moret amenait chez elle sa maîtresse. C'était complet. Pour elle, ce manque d'égard lui était bien indifférent et ne la surprenait pas. Mais elle était outrée qu'il manquât ce point de respect à sa mère. Puis, elle voulait bien supporter Geneviève tant que sa liaison n'était pas généralement connue. Mais du jour où elle deviendrait de notoriété, elle se promettait d'intervenir, bien décidée à ne pas accepter un vilain rôle. Pierre de la Fère, s'approchant d'elle, lui demanda « L'arrivée de ce monde vous ennuie, n'est-ce pas ?» « Oui, » dit la comtesse, « je regrette nos bonnes soirées si tranquilles. » Le lendemain, le mail ramenait de la gare la bande des invités au grand complet. Les Ledru s'étaient laissés fléchir. Geneviève était très changée. Ses 15 jours l'avaient étonnamment pâlie et maigrie. Cette singulière fille, habituée à assouvir ses caprices, souffrait réellement de la résistance et de ce qu'elle appelait la fuite d'André. Son désir de l'épouser était devenu une idée fixe. Elle ne dormait plus et ne se laissait distraire par rien. ses grands yeux bleus brillaient d'un éclat fiévreux et se cernaient, s'enfonçant dans l'orbite. Il était facile de voir qu'elle dépérissait. Elle fit un froid accueil à André lorsqu'il arriva pour dîner avec son père, lui demandant sèchement de ses nouvelles sans même lui tendre la main. Mais le soir, tandis qu'on fumait devant le perron en flânant autour des corbeilles de fleurs, elle vint brusquement s'appuyer à son bras et, l'entraînant vers la grève, « Savez-vous pourquoi je suis venu ?» Comme André, étonné du ton de la question, restait un instant sans répondre, elle reprit d'une voix vibrante, lui effleurant le visage de son souffle brûlant, « Parce que je vous aime, comprenez-vous ? Parce que je vous aime follement, désespérément, et que j'ai voulu vous revoir, vous supplier de ne pas me repousser. Pourquoi ne voulez-vous pas de moi, dites ? Tous, excepté vous, me trouvent belle, je suis riche. » « Justement, » dit vivement M. de Lalande, heureux de trouver une excuse, « justement, vous êtes trop riche. » « Si ce n'est que ça qui l'arrête, » pensa Geneviève, « il peut marcher carrément. » Elle prévoyait la ruine prochaine de son père, après avoir commencé par voler les autres, espérant ainsi se tirer d'affaire. Le financier débordé voyait point dans le crack et la police correctionnelle. Il avait franchement fait part de ses craintes à sa fille. L'alliance, selon lui, tiendrait encore 2 mois, 3 au plus, à condition que le gouvernement et la banque cosmopolite ne s'entendissent pas pour la culbuter plus rapidement. Néanmoins, Geneviève ne voulut pas faire entrevoir à André la possibilité de sa ruine. Jugeant les autres d'après elle-même, elle pensa que la générosité de M. de Lalande était feinte et elle répondit « Qu'importe que je sois plus riche que vous, puisque je vous aime. C'est encore moi qui serai votre obligé. Je ne vous donnerai que de l'argent et vous me donnerez le bonheur. » « C'est impossible, » murmura André très ému. La jeune fille devina cette émotion et le caprice qu'elle éprouvait pour M. de Lalande était tel qu'elle eut envie de lui crier « Eh bien, ne m'épouse pas, mais accepte-moi !» Une pensée l'arrêta. Avec la fortune, l'inconduite ne l'effrayait pas. Elle savait que beaucoup d'argent fait pardonner bien des choses et que, d'ailleurs, la fille du président de l'Alliance universelle ne serait pas soupçonnée. Mais avec la pauvreté, la dégradation morale ne lui paraissait plus acceptable. Puis, son père en fuite ou en prison, que deviendrait-elle ? Ils étaient arrêtés contre la falaise. Geneviève se jeta à genoux. « Prenez pitié de moi, André, » supplia-t-elle. Sa voix chaude le remuait profondément. Elle l'étreignait contre elle. Voulant la relever, il s'inclina, mais elle, l'enlaçant plus étroitement encore, lui murmura sur les lèvres. « Je t'aime tant. » « Moi aussi, » répondit André, ne sachant plus ce qu'il faisait. « Moi aussi, je t'aime. » À son tour, la fièvre le gagnait, mais Geneviève trouva que les choses étaient allées assez loin. Elle se relevait, lorsqu'une énorme boule noire et soyeuse vint rouler entre eux. André s'éloigna vivement de la jeune fille. « Pluton ? » fit-il inquiet. « Josette est là. » En effet, une silhouette blanche se dressait à quelques pas sur la falaise. « Qui est là ? » demanda M. de Lalande. « Josette, » répondit la comtesse, et lorsqu'elle fut tout près d'eux. « Il paraît que, comme moi, vous aimez écouter gronder les vagues. Nous sommes vraiment trop poétiques. C'est dangereux. » Ils revinrent lentement vers le château. On était rentrés, et chacun s'organisait pour passer la soirée à sa guise. Détiole, Lagardy et M. Moret s'apprêtaient à faire une partie de billard. André se joignit à eux. Madame de la Fère, Madame Moret, M. Ledru et M. de Lalande allaient commencer un whist. Pendant que Madame Moret préparait les cartes et les fiches, Dammartin, questionné par elle, lui expliquait pourquoi il avait converti Madame Hart. « Certainement, » affirmait la vieille rognure. « Je n'ai pas de préjugés, mais c'est égal. Depuis que je sais qu'elle s'appelle Eugénie Chanot et qu'elle est née en 1845 à Charonne, je ne la trouve plus bien du tout, tandis qu'avant, quand je la croyais hongroise ou polonaise, je la parais de toutes les qualités, physique seulement. » Car les autres... « Allons, venez, » dit l'oncle Jean. « Nous allons faire un petit écarté de famille avec Pierre et M. Jost. » Geneviève Ledru s'asseyait au piano, lorsque la comtesse, lui touchant l'épaule... « Pardon, Voulez-vous respirer un peu sur la terrasse ? » La jeune fille allait refuser, prétextant la fatigue du voyage, mais elle vit le regard de Josette si impérieusement dur qu'elle n'osa pas la mécontenter. La comtesse traversa l'immense enfilade de salons, puis la salle à manger déserte, et elles se trouvèrent sur la terrasse, isolée de la partie du château habitée à cette heure-là. Tous les domestiques, retirés dans les communs, dînaient. Elles étaient bien seules. « Mademoiselle, dit Josette, je pourrais vous mettre à la porte sans explication. « Parce que ?» demanda la jeune fille, se faisant soudain arrogante devant le danger. « Parce que vous êtes la maîtresse de mon mari, » répondit la comtesse. Geneviève voulut protester. « Ne vous défendez donc pas. Depuis plus de 6 mois, je le sais. J'ai été averti par des lettres anonymes. On me disait où et à quelle heure avaient lieu vos rendez-vous. J'ai voulu savoir si cette dénonciation était vraie. Je suis allé à l'endroit indiqué et je vous ai vu sortir. Il est donc inutile de nier. C'est un mensonge infâme. Que vous soyez ou non la maîtresse de M. Moret, » continuait Josette, sans prendre garde à la protestation de la jeune fille, « peu m'importe, je ne suis pas jalouse. Mais aujourd'hui, cet emploi semble ne plus vous suffire, et vous cherchez à vous faire épouser par un brave garçon qui vous croit honnête et pur. Cela ne sera pas, vraiment. Vous êtes venu chez moi uniquement pour vous rapprocher de M. de Lalonde. Vous partirez demain sous un prétexte quelconque. Votre père se fera envoyer une dépêche. Enfin, vous trouverez une raison pour expliquer votre départ. » Geneviève répondit tranquillement, « Je ne partirai pas et j'épouserai, si cela me plaît, M. de Lalonde. » Elle était en plein dans la lumière du clair de lune. Ses grands yeux froids luisaient. Elle sourit méchamment et reprit, « Je l'épouserai et je vous défie de m'en empêcher. Je lui dirai ce que vous êtes. « Allons donc !» s'écria la jeune fille, dont l'intonation canaille rappela le père Ledru. Puis elle ajouta, « Dites tout ce que vous voudrez, il ne vous croira pas. Et si je lui prouve que c'est la vérité ? Dans ce cas, il se battra avec votre mari. C'est peut-être ce que vous cherchez d'ailleurs, car on raconte que vous n'aimez guère ce pauvre Moret. « Oh !» fit la comtesse, indignée. « André est bien à moi, à présent, » reprit mademoiselle Ledru. « Je l'ai compris tout à l'heure, et vous avez dû vous en convaincre aussi, puisque vous espionnez si bien. » « Je ne vous espionnais pas, » dit la comtesse. « Dieu sait que je ne soupçonnais pas vos projets. Je pensais que M. Moret vous amenait à Scaer parce qu'il ne voulait pas se priver de vous. J'étais assise à la falaise. Vous êtes venue jouer votre scène d'amour devant moi. J'en profite, voilà tout. Vous plaît-il, madame, que nous rentrions au salon ? On va remarquer notre absence. » Devant l'audace de cette fille qui la bravait chez elle, Josette fut prise d'une violente colère qu'elle parvint à grand-peine à contenir, et tandis que mademoiselle Ledru se mettait au piano, elle vint s'asseoir près des joueurs de billard, regardant distraitement rouler les billes. La voix de maître de Lalonde, qui comptait ses fiches annonçant la fin de la partie de whist, la tira de sa rêverie. « Nous avons 50 fiches, madame. Voici 12,50 francs. Est-ce bien cela ?» Puis, appelant son fils, « André, veux-tu voir si le cabriolet qui fait la joie de Josette est attelé ?»« Oui, père, » répondit M. de Lalonde en riant. « Il est devant le perron. » Le cabriolet du vieil avoué fait en effet la joie de Josette. Bien qu'ayant été renouvelé plusieurs fois, l'étrange voiture semble être toujours la même qu'il y a 15 ans. C'est une caisse bizarre, gondolée, plantée sur des roues énormes et surmontée d'une immense capote dans laquelle le vent s'engouffre avec fracas. Habituellement, la comtesse accompagnait son tuteur jusqu'à la voiture, mais ce soir elle l'embrassa sans le reconduire et, se dirigeant vers M. Ledru, qui, éreinté du voyage, glissait sur la pendule un œil furtif, elle l'entraîna dans un coin du salon. « Monsieur, lui dit-elle à voix basse. Pour des raisons que vous connaissez, il ne me convient pas de tolérer à Scaer la présence de votre fille. Je viens de lui parler, elle refuse de partir. Vous serez, j'espère, plus raisonnable qu'elle. Dans tous les cas, je vous avertis que si demain vous êtes encore ici, je vous chasse en présence de tous et en disant pourquoi je vous chasse. » Le financier devint verdâtre, mais il n'osa résister. voyant l'attitude menaçante de la comtesse, qu'elle était femme à agir comme elle le disait. Sans répondre, il alla à sa fille, lui dit quelques mots et s'adressant à Madame Moret, « Permettez-nous, madame, de nous retirer. Ma fille est très fatiguée, et j'avoue que moi-même... »« Mais comment donc? Je vous en prie, au contraire !» s'écria Madame Moret, ravie de voir disparaître Ledru. Tandis que son père saluait ses dames, Geneviève, s'approchant de M. Moret, restée seule dans la salle de billard, lui dit d'une voix que la rage faisait trembler « Tu sais que ta femme nous chasse !»« Hein ?» s'écria le comte stupéfait. « Parfaitement. Elle nous épiait ce soir, André et moi. Elle sait ce qui existe entre nous, et ne veut pas permettre, dit-elle, qu'une fille comme moi épouse un honnête homme comme M. de Lalonde. « Ah !» fit sourdement M. Moret, repris de fureur jalouse à la pensée que sa femme aimait encore André. Josette était dans sa chambre depuis quelques instants quand M. Moret y entra brutalement. La jeune femme, déjà déshabillée, lui dit, en s'enveloppant dans un long peignoir de crêpe de Chine, « Vous avez d'étranges façons !» M. Moret ricana. « J'ai bien le droit, il me semble, d'entrer chez vous sans frapper. »« Non, » répondit simplement Josette. « Du reste, » reprit le comte, « là n'est pas la question. Je viens vous demander le motif de votre inexplicable conduite. Je ne veux... Mademoiselle Ledru vient de... Oh, ne vous reprenez donc pas, » dit la jeune femme d'un ton railleur, « au point où nous en sommes, il est inutile de dissimuler. » Mademoiselle Ledru, continua M. Moret, vient de m'avertir que je les mets à la porte, elle et son père, c'est parfaitement vrai. Déjà, vous vous êtes permis de congédier l'aréole sans mon assentiment. Aujourd'hui, vous blessez mortellement ce Ledru, qui est un homme venimeux et rancunier dont j'ai besoin pour mes affaires. Je ne veux pas, en recevant chez moi votre maîtresse, lui permettre de se rapprocher d'un homme qu'elle aime ou qu'elle fait semblant d'aimer. Vous l'avez bien aimé aussi, vous ? La comtesse se taisait. M. Moret, furieux, lui cria « Cet homme a été votre amant !»« Vous savez bien que vous mentez, » dit tranquillement Josette. « J'entends que les Ledru demeurent ici, » reprit le comte, « et je vous défends d'entraver ce mariage. Moi, je vous déclare que demain ils partiront et que le mariage n'aura pas lieu. Dussé-je avertir votre mère et prévenir mon tuteur ?»« Vous n'oseriez pas faire cela. » »« Non ? Eh bien, qu'il soit encore là demain après l'heure du train, et vous verrez. » Depuis un moment, M. Moret regardait sa femme, profondément frappée de sa beauté. Josette, roulée dans le peignoir transparent qui, plaquant sur son corps, en reflétait les teintes rosées, lui apparaissait tout autre qu'elle n'était restée dans son souvenir. Changeant brusquement d'attitude, il s'avança vers elle, et le visage coloré, l'œil allumé. « Josette, » dit-il d'une voix étouffée. « Josette, oublions tout. Je vous aime encore. » La comtesse recula. « Vous savez que la chambre de votre mère est là, » dit-elle. « Si vous me touchez, j'appelle. Elle jugera. » « Mais, » supplia-t-il, « écoutez-moi. Si vous voulez reprendre la vie passée, je vous jure que je serai le plus soumis, le plus amoureux des maris. »« Oh !» dit Josette avec un accent d'affreux dégoût. « Vous me faites horreur. Depuis 6 ans, j'ai cherché à me persuader que vous étiez seulement un étourdi, un affolé de chic et de plaisir. Aujourd'hui, vous amenez votre maîtresse chez votre mère, et vous voulez, en prévision de sa ruine probable, la faire épouser à un honnête garçon qui ne soupçonne pas cette infamie. C'est le fait d'un drôle, entendez-vous ? Josette, ce n'est pas tout. À l'instant où je viens de découvrir une partie de ces hontes, vous vous apercevez que je suis encore jolie. Ma beauté vous tente. Et vous osez m'offrir de reprendre cette vie à laquelle vous avez renoncé volontairement. Ah, tenez, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en !» Elle marchait sur lui, pâle, les dents serrées, le regard mauvais. Il fut presque effrayé de cette explosion de colère. « C'est bon, » dit-il en cherchant à sourire. « C'est bon, je m'en vais. » « Oh !» murmura Josette quand il fut sorti. « N'est-ce pas horrible d'être attelé pour la vie à un être pareil ?» Devant elle apparaissait la grande figure sérieuse de Pierre de l'affaire. Insensiblement, elle s'était mise à l'aimer, et cet amour lui faisait peur. il ne ressemblait pas à l'amour tranquille et doux qu'elle avait éprouvé pour André, et qui la laissait pendant de longues heures froides et souriantes assise en face de lui. Elle ressentait au contraire un trouble profond dès qu'elle se trouvait seule avec M. de la Fère. Elle restait muette, tremblante, les membres brisés, la tête vide, éprouvant un immense besoin de caresses et de blottissements inconnus. On frappa doucement. Madame Auray entra. Elle avait tout entendu. Le bruit des voix l'ayant dès le début attiré dans la petite pièce qui sépare sa chambre de celle de sa belle-fille, elle avait assisté à la scène, mais elle préféra laisser Josette lui dire ce qu'elle voulait qu'elle sût seulement. « Qu'a-t-il donc ? » demanda-t-elle. L'idée de dégrader son mari aux yeux de sa mère répugna la jeune femme. Elle n'apprit à Madame Auray que ce qui concernait le projet de mariage de Mademoiselle Ledru. « Je sais d'une façon certaine, dit-elle en terminant son récit, que cette jeune fille n'est pas une honnête fille, et je désire empêcher André de l'épouser. » « Bast, dit la vieille femme soucieuse, s'il est bien déterminé à faire cette folie, rien ne l'arrêtera. » La douleur de Madame Auray était immense. Elle souffrait moins encore de l'indignité de son fils que du malheur de Josette. La vie désespérée et finie de cet enfant qu'elle adorait était pour elle un spectacle navrant. Elle cacha pourtant son chagrin à sa belle-fille et l'embrassant tendrement. « Vous verrez que demain nous serons débarrassés de Ledru père et fille, » dit-elle presque gaiement. « Mais au cas où il s'entêterait, je me charge, moi, de les congédier. » Madame Auray n'eut pas cette peine. Le lendemain, au moment du déjeuner, on remit à Josette un mot envoyé de Vannes par M. Ledru. Il pria la comtesse d'agréer ses excuses. Une dépêche pressante l'appelait à Paris. Ce cher comte, intéressé aussi par la dépêche, partait avec eux et le chargeait de prévenir qu'il serait absent quelques jours. Il terminait en annonçant que M. de Lalonde les accompagnait à Paris. C'était le trait du parte. Josette en fit la remarque à sa belle-mère, qui répondit, pensant au chagrin qu'aurait son vieil ami si son fils faisait un pareil mariage. « Pauvre de Lalonde !» D'Étiole et Lagardy furent saisis en apprenant le départ du financier. Décidément, l'alliance était malade. L'oncle Jean et la vieille Rognure étaient très calmes. Dammartin a horreur du jeu, et M. de Scaer se contente de manger son patrimoine au cercle et aux courses. La culbute de l'alliance leur était très indifférente. Le soir, Josette reçut une longue lettre désolée de son tuteur. Il lui apprenait le départ et le mariage d'André. Son fils l'avait menacé de quitter pour toujours la France s'il refusait son consentement. Il connaissait le caractère d'André. Il exécuterait immédiatement sa menace. Le vieil avoué ajoutait qu'il partait lui-même pour Paris le lendemain. La comtesse lui répondit en l'engageant à laisser son fils expatrié pour toujours plutôt que d'accorder son consentement. Au bout de 15 jours, Maître de Lalonde revint à Vannes vieilli, désespéré. Quand Josette le revit pour la première fois, elle le trouva effroyablement changé. Il n'y avait plus à Scaer que l'oncle Jean, Madame Moret et la comtesse. Le vieil avoué leur ouvrit son cœur. Il avait tout appris. La mascarade ridicule de son nom si parfaitement honorable jusque-là, les vols du père Ledru, puis le krach de l'alliance était imminent. Et André se mariait la semaine suivante. Il avait arraché le consentement de son père, mais le vieillard avait formellement refusé d'assister au mariage et même d'en faire part. En conscience, Maître de Lalonde avoué ne pouvait pas faire part du mariage de M. de Lalonde, son fils. C'était trop grotesque. Le pauvre vieillard pleurait, et Josette, bouleversée de son chagrin, tremblait qu'il ne vînt apprendre le reste.